je vais rajouter une contrainte sur le cafard à l'exercice. En fait, que ce soit pas fort. La première contrainte, c'était quoi? Que, au bout d'un moment, ça se bloque sur quelque chose. Que chacun se bloque sur ce qu'il est en train de faire, exactement. Voilà. Et même à ce moment-là, on reste bas. Ouais, que ça bouge pas.